เวทนานุปัสสนาตัพพระตอดสุขังวาเวทนังเวทยามานะสุขังวาเวทนังเวทยามิติปัจฉนาติไอ้โยคี when experiencing pleasant feeling he or she knows I experiencePleasant feeling. When experiencing unpleasant feeling, he knows I experience unpleasant feeling. When experiencing neutral feeling, he knows I experience neutral feeling. So this is the instruction.How to be mindful on the feelings given by the Buddha. Vedana Nupassana. Le Bouddha nous donne les instructions pour la contemplation des sensations. Il nous explique comment le yogi doit être attentif aux sensations. Lorsque le yogi expérimente une sensation agréable,Il sait, j'expérimente une sensation agréable. Lorsqu'il expérimente une sensation désagréable, il sait qu'il expérimente une sensation désagréable. Lorsqu'il expérimente une sensation neutre, il sait qu'il expérimente une sensation neutre. En posture assise, nous essayons de ne pas bouger, de rester immobile,de maintenir notre attention sur l'objet primaire, c'est-à-dire les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Tôt ou tard, des sensations vont se manifester dans le corps. D'abord, ce sont les sensations désagréables. Les yogis n'ont pas encore vraiment expérimenté les sensations agréables. Pour l'instant, ils expérimentent surtout des douleurs, de la fatigue, des engourdissements,Tout cela, ce sont les sensations désagréables. On peut dire que ces sensations sont l'objet secondaire d'attention. L'objet primaire d'attention, ce sont les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Lorsque vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous devez comprendre que ces mouvements sont impermanents, insatisfaisants et insubstantiels.Lorsque vous observerez les sensations, vous devrez également réussir à comprendre que les sensations sont impermanentes, insatisfaisantes et insubstantielles. Quand au début vous expérimentez des sensations désagréables, on vous demande d'essayer de maintenir votre esprit fixé sur l'endroit où se manifeste cette sensation désagréable. On vous demande de noter attentivement et avec précision Douleur, douleur. Si vous notez de façon très attentive et précise que vous faites preuve de patience avec la sensation désagréable, vous verrez que cette sensation s'intensifie. Au début, vous ne la verrez pas encore disparaître. Si la sensation désagréable s'intensifie, elle va faire surgir le mécontentement, car vous n'aimez pas ce type de sensation.Et vous ne notez plus, parce que vous avez peur de la sensation désagréable. Mais, en tant que yogi, vous devez continuer à noter attentivement et de façon assidue. Si vous ne le faites pas, vous ne réussirez pas à comprendre la sensation désagréable telle qu'elle est réellement. Lorsque la sensation douloureuse va s'intensifier, vous serez peut-être irrité, vous serez peut-être découragé.Fâché. Pourquoi? Parce que la sensation est devenue très intense. Si la colère, l'irritation, le découragement se manifestent dans votre esprit, ces choses deviennent votre objet d'attention. Vous devez noter colère, découragement, irritation. Notez les sensations mentales. C'est Chitta Nupassana. l'une des quatre bases pour l'attention. Vous voyez donc que vous ne choisissez pas la base que vous allez observer. Vous prenez ce qui se présente. Si vous observez très attentivement, vous verrez peut-être que cette sensation désagréable diminue d'intensité. Vous verrez peut-être qu'elle se déplace, que par moments elle disparaît pour réapparaître l'instant d'après. C'est en observant ainsi, de façon très attentive, que vous devez lutter contre la sensation désagréable. Au début, lorsque le méditant expérimente des sensations désagréables, il n'est pas capable de se montrer patient. Il ne réussit pas à les gérer correctement. Il ne peut pas les supporter, même si on le lui demande. C'est pourquoi il faudra qu'il fournisse un gros effort. Il devra avoir beaucoup d'énergie physique et mentale. C'est Viriya dont je vous ai parlé hier, les trois types d'efforts, Arambha Dhatu, l'effort initial, Nekama Dhatu, l'effort moyen, et Parikama Dhatu, l'effort suprême. Si le méditant ne fournit pas ces trois types d'efforts, il ne réussira pas à surmonter les sensations désagréables. Souvent, les méditants n'observent pas la sensation désagréable au début. Ils changent de posture et ils le font même sans être attentifs. Ils devront cependant fournir cet effort puissant. Vous allez donc fournir cet effort. Vous n'abandonnez pas lorsque les sensations désagréables se manifestent. Puis il y a toutes sortes de douleurs, d'engourdissements, de raideurs, de tensions. Et vous essayez de noter attentivement ces sensations désagréables. Mais il y a d'autres sensations désagréables également qui vont apparaître. Vous observez par exemple une sensation douloureuse au genou. Vous maintenez votre esprit fixé sur cette zone pendant 5 ou 10 minutes. Et vous constatez que cette sensation douloureuse au genou se transforme en chaleur. Cette chaleur peut devenir extrêmement forte et être ressentie comme une véritable brûlure. Il se peut que cette brûlure se transforme elle-même en quelque chose de très dur. Vous expérimentez donc toutes sortes de choses à l'endroit où se manifeste cette sensation désagréable. Vous observez que la sensation désagréable peut prendre toutes sortes de formes. Lorsque le yogi expérimente les sensations désagréables, il sera fatigué, son esprit ne sera pas alerte, il aura le visage tiré. Lorsqu'il se présente à l'entretien, il est parfois fâché. Tout ceci, ce sont les indices qu'il est occupé à lutter contre les sensations désagréables. Et s'il se présente ainsi, le visage tiré et fatigué, c'est la preuve que son expérience est authentique. Le professeur doit alors encourager son élève. Il lui demande d'être patient, de continuer à observer. Si le yogi écoute les conseils du professeur et qu'il pratique de façon diligente, tôt ou tard, il réussira à surmonter ses sensations désagréables. Même si la douleur ne disparaît pas, le yogi qui réussit à ne pas bouger pendant toute l'heure aura remporté une victoire sur cette sensation douloureuse. Il a réussi à rester immobile sans bouger malgré la douleur. Il n'a pas regardé l'horloge. Et il a fait cela pendant toute la séance. La confiance va alors apparaître en lui. Il se dira par exemple, « Je pensais que je n'aurais jamais pu y arriver. » Cette confiance va avoir pour résultat qu'il va pouvoir progresser. Et maintenant, si la sensation douloureuse se manifeste quelque part dans votre corps, cela ne vous incommode plus, car vous avez confiance. Tant que vous n'aurez pas réussi à installer la confiance en vous, vous serez irrité lorsque la sensation douloureuse va se manifester, car vous êtes incapable de vous montrer patient. Mais maintenant, vous avez une certaine dose de confiance en vous. Grâce à cette confiance, vous pourrez constater par vous-même qu'aux séances suivantes, ce sera beaucoup plus facile. Vous pourrez le constater par vous-même. La douleur va vous apparaître comme moins forte que vous ne pensiez. L'esprit n'est donc plus aussi sensible à la sensation douloureuse. Il devient plus stable. Si l'esprit se stabilise, le méditant peut facilement noter les sensations désagréables. Il s'est habitué à la douleur. Lorsqu'il la note, il peut très facilement voir qu'elle disparaît. Il en voit apparaître une nouvelle, il la note et elle disparaît à son tour. Au début, le méditant n'est pas capable de voir que ses sensations désagréables n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître. Mais maintenant, il est capable de voir clairement qu'elles apparaissent et disparaissent sans arrêt. Parfois, vous allez expérimenter des sensations désagréables très grossières, très intenses. Vous les notez attentivement. Elles ne disparaissent pas, car ce n'est pas facile de surmonter ce type de sensation. Mais vous êtes cependant capable de maintenir votre esprit fixé sur ces sensations très grossières. Vous constatez que lorsqu'il y a une sensation très forte et très grossière en vous, votre esprit reste fixé sur cette sensation. Il ne s'envole pas facilement. Vous allez ainsi commencer tout doucement par aimer et ressentir des sensations désagréables, car vous pouvez constater que lorsqu'elles sont présentes en vous, votre esprit reste fixé sur la sensation. Même si on nous demande de ne rien espérer lorsqu'on médite, c'est très difficile de ne pas souhaiter quelque chose. Si nous avons des sensations douloureuses, il y aura dans notre esprit le désir qu'elles disparaissent. Ce désir, c'est l'obha. Et parfois, nous nous sentirons très énergiques et nous nous dirons que nous allons observer cette sensation de façon à la faire disparaître. Nous prenons une très forte détermination. Ceci suppose qu'il y a dosa dans l'esprit, la colère. S'il y a lobha ou dosa dans l'esprit, il sera impossible de réaliser l'impermanence, l'insatisfaction et l'insubstantialité de cette sensation. Lorsque la sensation désagréable va devenir très forte, l'attitude correcte consiste à se montrer patient et à la noter attentivement avec une forte énergie. Si elle ne disparaît pas, vous pouvez éventuellement revenir au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous verrez après que cette sensation est en réalité moins forte que vous ne le pensiez. Mais vous pouvez également observer cette sensation de loin. Si nous nous montrons énergiques, si nous faisons preuve d'un puissant effort, il est inévitable que tôt ou tard nous devions affronter les sensations désagréables, dukkha vedana. Mais le méditant ne va pas expérimenter que des sensations désagréables. Lorsqu'il sera devenu capable de voir ces sensations désagréables apparaître et disparaître constamment, lorsqu'il sera devenu capable de rester immobile sans être trop affecté par ses douleurs, lorsque son esprit se sera calmé, qu'il pensera moins, qu'il pourra noter facilement le corps et l'esprit, les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, les sensations désagréables, qu'elles soient physiques ou mentales, il va se sentir bien. Il est capable de noter assez facilement toutes ces choses, et cette sensation de confort, c'est précisément la sensation agréable. De cette façon, le méditant expérimente les sensations désagréables et les sensations agréables. Son attention va se renforcer. Et tout doucement, il ne verra plus la forme extérieure. Au début, lorsqu'il avait une douleur, il l'exprimait ainsi. J'ai une douleur dans le genou. J'ai une douleur dans l'épaule, dans le dos. Tout ceci, ce sont des concepts. Mais dès qu'il sera devenu capable de faire preuve de patience face à la sensation désagréable, de la noter attentivement, et lorsque son attention se sera renforcée, le méditant ne verra plus cette forme extérieure. Il ressentira la sensation à l'état pur. L'esprit du méditant va ainsi se développer grâce à l'attention. La douleur ne l'incommodera plus autant. Il va alors expérimenter une sensation de confort physique et mental. Ce confort physique et mental, c'est la sensation agréable. Plus vous notez la douleur, mieux vous la comprenez. Vous voyez qu'à chaque instant, elles apparaissent et disparaissent. Vous comprenez que la douleur n'est pas solide. Au début, lorsque vous avez commencé à développer la confiance et que vous commencez à expérimenter la disparition de la sensation douloureuse, il y aura probablement de l'excitation en vous, parce que vous êtes au début. Vous n'avez pas encore souvent expérimenté ces choses. Vous vous direz que c'est incroyable. Mais après quelque temps, vous allez vous habituer et vous ne serez plus tellement excité lorsque vous verrez la sensation désagréable disparaître. Vous expérimenterez alors les sensations neutres. Voilà comment le méditant qui pratique les quatre établissements pour l'attention en arrive à expérimenter les trois types de sensations, les sensations désagréables, les sensations agréables et les sensations neutres. Mais un méditant qui pratiquerait Samatha n'expérimentera pas ces trois types de sensations, parce que dans Samatha, il n'y a qu'un seul objet d'attention. Bien souvent, les inspirations et les expirations au niveau des narines. Lorsque l'esprit s'envole, le méditant ne doit pas noter, penser, imaginer. Il revient tout simplement au va-et-vient du souffle. Mais s'il ne note pas les états d'esprit, il ne les comprendra pas. Avec Samatha, le méditant va développer sa concentration, mais il n'expérimentera pas les trois types de sensations. Avec Vipassana, on demande de noter tout ce qui se manifeste aux six portes sensorielles. Le méditant doit noter tous les contacts qui s'établissent par l'œil, par l'oreille, par le nez, par la langue, par le corps et par l'esprit. S'il le fait, il expérimentera les trois types de sensations, les sensations désagréables, les sensations agréables et les sensations neutres. Par la pratique de Vipassana, le méditant va réussir à comprendre clairement, il va pouvoir développer les connaissances intuitives et finalement atteindre l'illumination. Tomorrow, I will try to explain about the feeling again. That's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then may you attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.